Mexico, 1968. Ils sont 8 sur la ligne de départ. 3 blancs, 5 noirs. 3 blancs, 5 noirs. Sacrés damiers. Ils rejettent leur voix, ils projettent leur tête au bout de ce couloir étroit. Le cœur dément comme une bête. Lourd, lourd, lourd, lourd, lourd, lourd, lourd, lourd. Nous regardent devant toi pour une fois, il ne faut pas baisser les yeux comme les cours de cette piste. Il faudra l'avaler d'un coup, il faudra prendre tous ses risques, il faudra foncer comme un fou, il faudra voler comme un dieu. Il faut la gagner cette course, tu seras le plus grand de tous. Sourd, sourd, sourd, sourd. Ils projettent leur voix, ils projettent leur tête au bout de ce couloir étroit, dans les cris de la foule en fête. Cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours. Regarde devant toi, va plus vite que les chiens noirs que dressent les policiers blancs à courir sus à tes enfants. N'y pense pas, n'y pense pas, ne te désunis pas. Allonge la foulée, elle est si proche l'arrivée. Et tu es le plus grand de tous. Cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours. Ils sont trois sur la ligne d'arrivée. Un blanc, deux noirs. Un blanc, deux noirs. Sacré damier. Ils rejettent leurs bras, ils relèvent leur tête. Et le cœur bat, et le cœur bat. On est le monde des prophètes. Souris, souris, souris. Souris, souris, souris, souris, souris. Regarde autour de toi, pour une fois, il ne faut pas baisser les yeux. La foule hurlait à Oxford Town et la foule hurlait à Selma comme elle hurlait à Little Rock. Ne pense pas, ne pense pas. Aujourd'hui, tu es plus qu'un dieu, il n'y a pas de chien pour toi, mais les bravos de les vivants. Souris, souris, souris. Ils sont trois sur les marches de la gloire. Un blanc, deux noirs. Un blanc, deux noirs. Sacré damier. Ils ont baissé le front vêtus de noir. Ils ont levé leurs poings gantés de noir. Et je sais qu'à cet instant-là, moi j'étais fière, moi je fus noire.